Occasion. Ça va, toi ? Super ! Ah bon ? Bah ouais, je booste mon moral avec le printemps Toyota Occasion. Un choix incroyable d'occasion, prêt à partir, des 5 euros par jour et garantie 3 ans. Mais c'est ça qu'il me faut ! Du 22 au 31 mai, ensoleillez vos journées avec le printemps Toyota Occasion. Exemple pour Aygo X-Play 5 portes occasion de 2018 avec 35 500 km. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 1 790 €, suivi de 48 loyers de 150 €, soit 5 euros par jour. Si acceptation par Toyota Financement. Dans la limite des stocks disponibles, conditions sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Fernand Yvetot, le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie. Ouvrier, syndicaliste, communiste, partisan d'une Algérie indépendante, Fernand Yvetot a été condamné à mort et exécuté pour un crime qui n'a pas eu lieu, car l'attentat a été déjoué. La bombe qu'il a déposée dans son lieu de travail n'a pas explosé, et elle ne devait en aucun cas faire la moindre victime, puisqu'elle était réglée pour se déclencher dans la soirée quand l'usine est déserte. Il s'agissait de marquer le coup, de faire entendre la révolte en faisant sauter un cabanon désaffecté. Fernand Yvetot n'est pas un héros, non, juste un homme de conviction, un mort parmi les centaines de milliers de cette guerre qui ne voulait pas dire son nom. Guillotiné pour l'exemple, au début de l'année 1957, condamné parce que communiste, donc ennemi, la guerre froide est là, les chars soviétiques viennent d'entrer à Budapest. Condamné parce que français, donc traître. Condamné par une justice expéditive rendue par des militaires et exécuté parce que René Coty, alors président de la République, lui refuse sa grâce. Notre invité aujourd'hui, Alain Ruscio, historien, spécialiste de la colonisation française, en particulier en Indochine et en Algérie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Odile Conseil, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Cette histoire qui a pour cadre la guerre d'Algérie débute en 1830 lorsque commence la colonisation de cet immense territoire quand Alger est conquise par les troupes françaises au terme de combats sanguinaires et d'atroces massacres. Quand le général Bugeaud, dans les années qui suivent, assujettit les populations en pillant les villages, en brûlant les récoltes, semant la mort sans compter. Quand des colons français, mais aussi espagnols, italiens, maltais, allemands, viennent s'installer dans ce pays de cocagne et prendre possession des meilleures terres, à moins que ce récit naisse au siècle suivant. Les spécialistes sont partagés. Certains en voient les prémices lors des massacres de Sétif en 1945, quand des manifestations contre la présence coloniale française sont réprimées dans le sang. Pour d'autres, la date clé est celle du 1er novembre 1954, dont l'histoire garde la mémoire sous le nom de Toussaint Rouge. Cette nuit-là, des membres d'une organisation alors inconnue, le FLN, Front de Libération Nationale, organisent une série d'attentats. Voici un extrait des actualités d'époque. Heures troublées en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Non, le calme ne sera pas vite rétabli. La guerre d'Algérie qui commence durera 7 ans et fera des centaines de milliers de morts, essentiellement parmi les Français musulmans, c'est-à-dire le peuple colonisé. Ils sont 9 millions qui n'ont pas le statut de citoyen, face à 1 million de colons, citoyens français, eux, de plein droit. Jusque-là, Fernand Yvetot a vécu une enfance et une adolescence sans problème, dans une famille modeste mais aimante, dans un quartier populaire des hauteurs d'Alger. Né dans cette ville en 1926, il se sent algérien autant que français, et français autant qu'algérien. Ses copains sont musulmans, ou non. Lui est communiste, comme son père Pascal, ouvrier au gaz d'Algérie. En 1940, quand celui-ci est mis à la porte pour avoir fait grève, Fernand quitte l'école et commence à travailler. Bien obligé. Il a 14 ans, il apprend sur le tas le métier de tourneur et prend sa carte au parti communiste algérien 2 ans plus tard. Il sera aussi syndicaliste à la CGT. Et il est persuadé que musulmans et européens peuvent vivre ensemble en paix dans une Algérie indépendante. Eh bien, l'histoire lui donnera tort, on le sait. Mais à l'époque, personne ou presque ne peut imaginer que les trois départements français qui composent ce territoire deviendront un jour un État. Et surtout pas François Mitterrand, qui est alors ministre de l'Intérieur du gouvernement de Pierre Ménès France. Quelques jours après les attentats du 1er novembre, il tient des propos très fermes dans une allocution diffusée à la Radio Nationale. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Le seul arbitre des différences entre les citoyens, c'est l'État. Le seul responsable de l'ordre, c'est l'État. Et il ne peut y avoir d'autre juge que lui et d'autre autorité que la sienne lorsque l'unité nationale est en jeu. Les meneurs ont-ils cru que l'opinion française se diviserait et finalement les laisserait agir à leur guise? Ils ont alors oublié que derrière le gouvernement, tous les Français, qu'ils soient de la métropole ou de l'Algérie, se grouperaient pour défendre le bien commun, la terre commune, la République enfin. L'Algérie, c'est la France. Pour François Mitterrand, comme pour une bonne partie de la classe politique française, à droite comme chez les socialistes, il est inconcevable de penser autre chose. Oui, l'Algérie, c'est la France. Fernand Yvetot le pense-t-il, lui ? À l'époque, il navigue entre son travail de tourneur au Gaz d'Algérie, ses amis, ses activités militantes au syndicat et au parti. Alors voici comment le décrit l'historien Jean-Luc Enaudi, auteur du livre « Pour l'exemple, l'affaire Fernand Yvetot », paru aux éditions de l'Armatan en 1986. Fernand était d'une humeur expansive, joyeuse. Il engageait facilement la conversation. Du petit peuple pied-noir, il avait hérité l'accent. Lors des fêtes du journal communiste Liberté, on faisait appel à ses compétences d'ouvrier pour régler des problèmes pratiques. Henri Alleg, qui était alors directeur du journal Alger Républicain, dit de lui « Il voulait apprendre, il était avide de connaître, il avait son franc-parler, il ne cachait pas sa pensée par crainte de ne pas être dans la ligne, il posait des questions, pouvait ne pas être d'accord. » En 1953, Fernand tombe malade, une tache au poumon. Il va se faire soigner en métropole. Et c'est là qu'il rencontre Hélène, une jeune Polonaise arrivée en France tout bébé, avec ses parents. C'est une belle personne, et pas seulement physiquement. Pendant la guerre, tandis que ses parents abritaient des familles juives, elle procurait de la nourriture à une organisation de résistance grâce à son travail dans un restaurant. Mais son père, retourné en Pologne en 1948 pour régler une affaire d'héritage, n'a pas pu revenir. Le nouveau pouvoir polonais voulait par tous les moyens retenir la main-d'œuvre. Hélène ne partagera jamais les convictions politiques de Fernand. Non, pour elle, le communisme, c'était la disparition de son père, écrit Jean-Luc Enaudi. Mais cela n'empêche pas l'amour. Guéri et rentré à Alger, Fernand cherche un logement, fait venir Hélène, immédiatement adoptée par la famille et par le quartier. Son fils, Jean-Claude, 14 ans, né d'une union précédente, les rejoint un peu plus tard. Dès novembre 1954, la répression, la pacification, selon le terme employé par les autorités, commence. Dans les Aurès, cette région du nord-est de l'Algérie où ont eu lieu plusieurs attentats lors de la Toussaint Rouge, 5 bataillons sont engagés dans une vaste opération de ratissage. Des paysans soupçonnés d'avoir prêté main forte aux attentats sont jugés à la va-vite sur la foi de dénonciations anonymes. Des hameaux sont incendiés, certains en lance-flammes. Dans les commissariats en torture, déjà. La presse en métropole dénonce ces pratiques. Comme Claude Bourdet, ancien résistant, grande figure de la gauche française, dans les colonnes de France Observateur du 13 janvier 1955, sous le titre « Votre Gestapo d'Algérie ». Le supplice de la baignoire, le gonflage à l'eau par l'anus, le courant électrique sur les muqueuses, les aisselles ou la colonne vertébrale sont les procédés préférés, car bien appliqués, ils ne laissent pas de traces visibles. Mais l'empalement sur une bouteille ou un bâton, les coups de poing, de pied et de nerf de bœuf ne sont pas non plus épargnés. Une fois que les gestapistes ont dicté et fait signer à leurs victimes à demi-morte l'aveu qu'il leur plaît de leur attribuer, le reste du séjour à la police sert à remettre le prisonnier en état, afin qu'il soit présentable lorsqu'on l'amène au juge. En septembre 1955, le Parti communiste algérien est interdit. Un matin de bonne heure, la police l'y a arrêté Yvetot, mais il est relâché dans la soirée. Pourtant, le PCA, Parti communiste algérien, n'est pas à la pointe de la revendication d'indépendance, loin s'en faut. Au début de cette année 55, le comité central du parti s'était aligné sur le PCF, Parti communiste français. et avait condamné les attentats du 1er novembre. Le Parti communiste algérien, comme son grand frère français, y voit des provocations qui, in fine, font le jeu des colonialistes. Mais malgré les prises de position plutôt tièdes du PCA, en face, les ultras, c'est-à-dire les colons, résolument opposés à tout début d'idée d'indépendance ou même d'autonomie, poussent le gouvernement à des actions dures, fermes, impitoyables. Ce sont eux qui ont demandé, exigé presque, l'interdiction du Parti communiste. Ces ultras, des colons à la tête de grands domaines ou d'entreprises prospères, sont pour beaucoup maires de leur village. Leur chef de file, qui conspue la mollesse du gouvernement, s'appelle Amédée Froger. Nous le croiserons à nouveau. Fernand, lui, est fatigué de l'indécision de son parti. Alors il veut agir. Avec quelques camarades communistes, et en particulier avec son ami d'enfance Henri Maillot, il effectue son service militaire en France et sort avec le grade d'aspirant. Et tous deux envisagent de prendre contact avec le FLN. Mais voilà que le Parti communiste crée, début 56, l'Organisation militaire des combattants de la liberté. Fernand est enthousiaste. Hélas, aucun mot d'ordre de suite, aucune consigne, aucune mission. Rien en tout cas que ressemble au type d'action qu'Yveton et ses camarades pouvaient espérer. Comme en témoigne un certain Fabien, membre du groupe de combattants de la liberté de Fernand Yveton. Témoignage recueilli par l'historien Jean-Luc Enaudi. Un jour, on nous a finalement donné un objectif qui m'a paru idiot. À 5 heures du matin, des piles de journaux étaient déposées chaque jour à l'angle des rues Michelet et Hoche, en attendant que des petits revendeurs viennent les prendre. Il s'agissait d'y mettre le feu. Je me suis demandé quelle tête j'aurais si je me faisais attraper pour une pile de journaux. C'est à peu près au même moment qu'Henri Maillot, le camarade de Fernand, fait parler de lui. Rappelé sous les drapeaux, il se voit chargé d'escorter un convoi d'armes, un raté de l'armée qui, connaissant ses accointances politiques, n'aurait jamais dû lui confier ce genre de mission. En tout cas, Maillot profite de la situation, déserte avec un camion rempli d'armes, mitraillette, revolver, chargeur, grenade, qu'il livre à des combattants du Parti communiste. La réaction de la presse dit assez bien l'ambiance qui régnait alors. Voici un extrait de l'Écho d'Alger, farouche défenseur de l'Algérie française. Il est daté du 5 avril 1956. Claude Bourdet et ses confrères de France Observateur, comme la majorité des communistes un peu partout, n'hésitent pas à considérer comme étant des leurs les terroristes soutenus par Moscou, qui assassinent des femmes et des enfants, dressent des guet-apens meurtriers contre nos jeunes soldats, incendient des écoles, des infirmeries et bien d'autres avant-postes de notre civilisation. Le corps étranger qui propage cette nécrose, qui exalte la prolifération de ce cancer, tout le monde le connaît. C'est le communisme. Oui, c'est bien plus l'étiquette de communiste que celle de FLN qui sera mise en avant pour condamner Yveton. Mais n'allons pas trop vite. La guerre, qui avait commencé dans les montagnes et dans les villes moyennes, gagne Alger. En métropole, les réservistes sont rappelés. À la fin de 1956, ils seront 400 000 sur le sol algérien. Le 12 mars, le gouvernement de Guy Mollet demande les pleins pouvoirs. L'Assemblée les lui accorde généreusement. 455 voix pour, dont celle des communistes, 56 voix contre. Il donne au gouvernement et à son représentant sur place, le ministre résident Robert Lacoste, des pouvoirs exorbitants. Il est par exemple désormais possible de traduire directement toute personne prise les armes à la main devant un tribunal militaire sans instruction préalable, et de condamner cette personne à la peine capitale. Robert Lacoste se félicite à la télévision publique du vote de l'Assemblée. Nous sommes le 17 mars 1956. C'est un vote hautement significatif, parce que il montre, il traduit la détermination de la nation de travailler au règlement des problèmes algériens par tous les moyens. Quels moyens ? Eh bien, des moyens de force et des moyens légaux, d'abord, pour résister à l'attaque forcenée dont nous sommes l'objet, pour sauvegarder les vies humaines, et aussi pour maintenir l'ordre sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. Dans l'immédiat, la pacification n'est pas au rendez-vous, loin de là. Au contraire, on arrête, on emprisonne, on torture, on condamne à tour de bras. Mais ce n'est pas suffisant pour les colons ultras, Ils exigent que les condamnés à mort, nombreux dans les geôles algériennes, soient exécutés. Et le gouvernement cède. Le 19 juin 1956, deux hommes sont guillotinés. Ils s'appellent Hamid Zabana et Abdelkader Ferraj. Leur mort ne restera pas impunie, prévient le FLN. La réponse ne se fait pas attendre. Les Felaga, combattants de l'Algérie indépendante, ont pour ordre de faire feu sur tous les hommes européens. En 10 jours, 49 personnes sont tuées ou blessées à Alger. L'escalade de la terreur est enclenchée. Le 10 août, une explosion préparée par les ultras retentit dans la Casbah. Elle fait 70 morts, des femmes, des enfants, des vieillards, tous musulmans. Fernand et ses camarades, eux, attendent toujours que le parti veuille bien leur donner des armes et leur confier des missions. Finalement, à la mi-juin, ils ont le feu vert pour rejoindre les rangs du FLN à titre individuel. C'est d'ailleurs une exigence du Front de Libération Nationale. Le groupe d'Ifton, autrement dit 4 personnes, envisage donc un attentat à la bombe. Mais sans victime. Un sabotage, d'accord, un carnage, certainement pas. Ouvrier au gaz d'Algérie, Ifton propose d'organiser une explosion symbolique. Il s'agit de sabotage révolutionnaire et non de terrorisme aveugle, comme l'écrit Emmanuel Robles dans sa pièce « Plaidoyer pour un rebelle », directement inspirée de la vie d'Ifton. Le coup est prévu pour le 7 novembre. C'est une femme, Jacqueline Guérouge, qui doit remettre les deux bombes. Elle est européenne, militante indépendantiste et mariée à Abdelkader Guérouge, l'homme qui à Alger assure le lien entre le FLN et les communistes. Fernand apprend que les bombes sont prêtes, réglées pour exploser à 18h30. Ça ne va pas, décrète-t-il. Des ouvriers sont encore présents à cette heure-là. Non, il faut que les bombes soient réglées pour 19h30. Le projet est donc reporté. Ce sera le 14 novembre. Dans les jours qui précèdent, Fernand arrive au travail portant un sac de sport sur l'épaule. C'est celui dans lequel il mettra les bombes le jour dit. Il veut donc habituer les gardiens à le voir avec ce sac. Depuis l'attentat de Milk Bar, un café fréquenté par les Européens qui a causé au mois de septembre plusieurs morts et des dizaines de blessés, toute personne portant un sac est suspectée d'y cacher une bombe et susceptible d'être fouillée. 2 jours avant la date prévue, soit le 12 novembre, 3 bombes explosent à Alger dans une gare, dans un monoprix et dans un autobus. 36 personnes sont blessées, plusieurs d'entre elles doivent être amputées. Monstrueux attentat communiste FLN, titre l'écho d'Alger. Même si le FLN est seul auteur de l'attentat, le communisme est toujours désigné comme le coupable et comme l'ennemi à abattre. Voilà dans quelle ambiance se prépare l'action que prévoit Yveton et son groupe. Le 14, il a rendez-vous avec Jacqueline Guérouge à l'heure du déjeuner. La suite, c'est Jean-Luc Elodie qui la raconte dans, pour l'exemple, l'affaire Fernand Ifton. Elle lui tend 2 papiers. Sur le premier est écrit « Entre 19h25 et 19h30, avance du déclic 5 minutes ». Sur le second, « Entre 19h23 et 19h30, avance du déclic 7 minutes ». Il les lit, les glisse dans sa poche. Elle lui donne les 2 bombes pour qu'il les mette dans le sac de basket. C'est trop volumineux. Le contremaître se méfie de moi, dit-il. Je ne peux pas prendre les 2 bombes. Il en garde donc une seule dans son sac. Charge à Jacqueline de trouver un endroit où déposer l'autre. De retour à l'usine, sac sur l'épaule, Fernand se dirige vers le local désaffecté où il compte poser la bombe. Mais il ne remarque pas que le contremaître Auriol l'a vu entrer dans le local et en ressortir sans le sac. Tout va alors très vite. Auriol prévient le contremaître principal. Ils vont ensemble dans le local, entendent la minuterie, appellent l'ingénieur qui en réfère au directeur qui téléphone à la police. Le commissaire contacte l'officier en charge des patrouilles du secteur. Celui-ci envoie 3 hommes qui trouvent le sac de sport avec la bombe. Il est 16h20. Ifton est immédiatement arrêté. On l'emmène au commissariat central d'Alger où son calvaire va commencer. Thank you. بدك تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي على الف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجي ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك Aujourd'hui, l'histoire de Fernand Yvetot. France Inter, affaires sensibles. Arrêté, Fernand Yvetot subit immédiatement ce qu'on appelle un interrogatoire poussé, selon la terminologie en effet en vigueur dans la police. Cet interrogatoire, il le relatera lui-même plus tard dans le quartier des condamnés à mort de la prison. On me déshabilla assez violemment en déchirant ma chemise. On me banda les yeux. Et là commencèrent les tortures les plus atroces que je pouvais m'imaginer avant mon arrestation. L'on me fit passer le courant sur tout le corps. Le cou, les parties, etc. La question était « Où se trouve la deuxième bombe ?» Comme je ne le savais pas et que les papiers dont j'étais porteur marquaient « Deuxième bombe, 19h30 », les tortures reprenaient de plus belle. Voyant sûrement qu'il n'y avait plus de place car j'étais entièrement brûlé, l'on me fit subir le supplice de l'eau. La deuxième bombe a été placée dans un quart de CRS vide. Mais le mécanisme ne fonctionne pas, donc elle n'explose pas. Elle est découverte le lendemain matin. Yvetot, lui, craque. Tard dans la soirée, après avoir lâché de fausses informations sur la femme qui lui a permis de remettre les bombes sur l'emplacement de la deuxième, et pensant que ses camarades ont été prévenus de son arrestation et ont eu le temps de se planquer, il donne les noms de deux d'entre eux. L'un d'eux sera arrêté et torturé. Les policiers veulent savoir où les bombes ont été fabriquées maintenant et par qui. Pour la presse, dans sa quasi-totalité, et pour Lacoste, gouverneur de l'Algérie, l'arrestation d'Yvetot est une excellente nouvelle. Un communiste, enfin. La preuve est établie que c'est leur main, donc celle de Moscou, qui est derrière le FLN. Les commentateurs se laissent aller aux suppositions les plus folles et les plus fausses. Il en va ainsi du quotidien algérois, la Dépêche quotidienne du 15 novembre. Où Yvetot devait-il placer sa bombe ? Sans doute son travail terminé, devait-il aller poser l'engin de mort quelque part dans un car, un tram ou un magasin, où il eût encore mutilé des femmes, des enfants, tué des innocents. Les preuves s'accumulent et l'on tient l'un des membres de cette sinistre bande à laquelle, sans hésitation, on peut attribuer les trois attentats du 12 novembre. Le ton est donné, l'amalgame est établi avec les attentats précédents. Yvetot a voulu tuer. Hommes politiques, ultra, journalistes, tous ont trouvé le coupable idéal, le piège se referme. Le procès de Fernand Yvetot se déroule le 24 novembre 1956, 10 jours après son arrestation. 10 jours après une tentative de sabotage ratée qui n'a fait aucune victime. 10 jours, dont 3 passés sous la torture. Yvetot, numéro d'écrou 6101. Fait face à un tribunal composé de 7 juges en uniforme kaki. Ces tribunaux à la va-vite, instaurés par la loi sur les pouvoirs spéciaux. Il est jugé pour tentative de destruction par substance explosive d'édifices habités ou servant d'habitation. Habité. Ce local désaffecté où la bombe a été posée, habité. C'est pourtant ce qu'affirme l'accusation, contre toute évidence, mais cela permettra de requérir la peine capitale. Face à ces hommes qui ont sans doute condamné Fiton par avance, qui maintenant pour défendre l'accusé? Oh, pas le Parti communiste algérien, il a été interdit. Il agit dans la clandestinité. Et Fiton, aussi symbolique soit-il, ne fait sans doute pas partie de ses priorités. Pas le PCF non plus, qui n'a signalé l'arrestation d'Yveton dans les colonnes de l'Humanité que par un entrefilé en page intérieure. Au sein du parti, l'action d'Yveton est même très critiquée. On y voit l'acte d'un anarchiste, injure suprême pour un communiste. Le PCF n'a pas cru bon d'envoyer un avocat parisien pour le défendre. Pire, Hélène, la femme d'Yveton, avait rendez-vous 3 jours avant le début du procès avec un avocat communiste. Bien, mais le jour dit, cet homme, Gaston Amblard, n'est pas en rendez-vous. C'est qu'entre-temps, il a consulté la direction du parti, à Paris. L'historien Jean-Luc Elodi le raconte dans son ouvrage enquête intitulé « Rappelons-le, pour l'exemple, l'affaire Fernand Yveton ». Gaston Amblard se rend au siège du PCF. Léon Fex, le responsable de la section coloniale, le reçoit et lui dit « Il n'est pas question que tu le défendes, c'est une provocation. Il n'avait qu'à ne pas faire cette connerie. » L'interdiction est sans appel. Elle est même confirmée le soir même par Maurice Thorez, le secrétaire général du parti. Il n'est pas question qu'un avocat communiste défende Yveton. Qui alors? La question reste d'actualité. Pas le FLN non plus, soulagé que la vindicte se porte sur le parti communiste plutôt que sur lui. Yveton, au bout du compte, a quand même 2 avocats. L'un est un tout jeune stagiaire, commis d'office. Il s'appelle Albert Smadja et il est communiste. Se sentant dépassé par ce procès qui attise les passions, il demande au bâtonnier de nommer à ses côtés un autre avocat, plus aguerri. Ce sera Charles Lenné, membre du secrétariat social du Secours catholique. Si ce sexagénaire n'est pas d'emblée emballé à l'idée de défendre Yveton, l'attitude et les propos de celui-ci pendant et après son procès et jusqu'à son exécution forceront son admiration. Mais la partie n'est pas simple pour ses avocats. La presse a unanimement décrit l'accusé comme un communiste sanguinaire. Sur les murs d'Alger, des portraits d'Yveton sont partout placardés, accompagnés de mots comme « traître »,« félon », »,« vendu aux crouilles ». Le fait qu'il soit européen aggrave son cas. Il est 8h du matin, ce 24 novembre, quand Fernand Yveton entre dans le box des accusés. Il est méconnaissable, tondu, privé de sa moustache. On n'y a pas demandé son avis. Il porte un costume et une chemise propre qu'Hélène a réussi à lui faire passer. Oh, elle a dû batailler avec l'administration de la prison, ne pas céder, exiger de voir le directeur qui a promis de remettre le paquet à son époux. Elle est comme ça, Hélène, décidée, ne s'en laissant pas compter, une forte tête qui veut que Fernand présente bien. Dans son roman « De nos frères blessés » paru en 2016 chez Actes Sud et adapté au cinéma sous le même titre en 2020, Joseph Andras imagine les pensées de cette femme voyant entrer son Fernand dans la salle d'audience. Elle le regarde, bel amour, avec ce crâne presque chauve, ce regard vague, ce regard de bête qui ne dit plus rien de l'homme qu'il est. Regard abattu, absent, sa bouche fermée comme condamnée à le rester, ce visage osseux, masque de cadavre sur un corps captif. Ils ont même rasé sa moustache, ses ordures. Et les jeux sont faits avant même que le procès ne commence. Même s'il apparaît que les effets de l'explosion n'auraient le cas échéant causé que des dégâts mineurs. Même si Fernand fait confirmer par un ingénieur que personne ne pouvait être présent dans ce local à cette heure-là. Et même si les avocats demandent que Fernand, qui dénonce les tortures qu'il a subies, soit examiné par un médecin. La peine de mort est prononcée dans l'après-midi. Fernand Yveton entame les dernières semaines de son existence dans le quartier des condamnés à mort à la prison Barberousse. Son pourvoi en cassation, examiné le 3 décembre par un tribunal militaire, est rejeté. Sa vie est désormais suspendue au président Coty et à la grâce qu'il peut ou pas prononcer. Début février, ses avocats rencontrent le président à l'Élysée. Ils sont 3 à présent. Comme pris de remords, le Parti communiste français a dépêché auprès de lui Joe Norman, un militant qui appartient au collectif des avocats qui défendent les combattants communistes anticolonialistes depuis 1945, depuis les émeutes de Sétif. Dans sa cellule, Yveton espère, Yveton écrit des lettres pleines d'amour et d'optimisme à Hélène. Ma chère petite femme, je te dis que j'espère bien finir mes jours comme un vieillard auprès de ma petite Hélène chérie que j'aime de tout mon cœur. Il couche aussi sur le papier d'une belle écriture régulière le détail des tortures qu'il a subies après son arrestation. Sur un autre cahier d'écolier, il apprend, grâce à ses co-détenus, la graphie en caractère arabe. Et lui apprennent également à compter dans cette langue. Mais Fernand et ses avocats sont seuls. Aucune campagne d'ampleur n'a été lancée dans la métropole. Non, ni par le Parti communiste, ni par la CGT pour appuyer sa demande de grâce. Et pour son malheur, un commando du FLN tue Amédée Froger, chef de file des colons ultras, en plein centre d'Alger, le 28 décembre. Coty se dit-il que Gracier Fton, condamné emblématique, traître à sa condition d'Européen, serait vu comme une provocation. Toujours est-il qu'il refuse la grâce, suivant en cela l'avis de son ministre de la Justice, François Mitterrand. François Yveton est exécuté le 11 février 1957. Au greffe de la prison, dans les minutes précédentes, il tient ses propos. La vie d'un homme, la mienne, compte peu. Ce qui compte, c'est l'Algérie, son avenir. Et l'Algérie sera libre demain. Je suis persuadé que l'amitié entre Français et Algériens se ressoudra. Fernand Yveton a fini sa courte vie, 30 ans seulement, dans la dignité. Un homme droit, impeccable, courageux jusqu'au couperet, dira plus tard Fernand Messonnier, le bourreau. Mais la guerre et ses horreurs continuent. En février 57, le général Massu, à la tête de la 10e division de parachutistes, obtient les pleins pouvoirs pour faire régner l'ordre à Alger et écraser le FLN. C'est le début de la bataille d'Alger, où la torture sera pratiquée à grande échelle. La torture, un mot que Massu a toujours récusé. Comme en 1996, dans un film de Patrick Rothman, La bataille d'Alger, dans le magazine Les brûlures de l'histoire, diffusé sur France 3. On a beaucoup parlé de torture, qui est un mot qui excite l'imagination de beaucoup de gens, qui fait peur à beaucoup d'autres. Mais c'est un mot, à mon avis, très général et qui n'était pas valable pour l'action que nous avons menée en Algérie. Enfin, à mon humble jugement, la question par force n'a rien à voir avec la torture pratiquée dans les camps de déportation nazis ou dans les camps Viet, ou trois de nos camarades ont séjourné pendant de nombreuses années. Pour lui, mais enfin, la population demande d'être protégée, l'armée est faite pour protéger la population. Bon, ben, écoutez, dans certaines circonstances, l'armée est obligée d'employer des moyens qui ne lui font pas plaisir, qu'elle n'emploie pas avec joie. Certains de ces éléments ont pu les employer maladroitement, se laisser entraîner par une certaine passion. 3000 personnes disparaissent pendant la bataille d'Alger au sens propre, autrement dit, sans que leur corps ne soit jamais retrouvé. Le mathématicien Maurice Audin est parmi eux. La guerre, elle, cause la mort de plusieurs centaines de milliers de Français musulmans. Les historiens s'accordent généralement sur le nombre de 250 000, ainsi que 25 000 militaires français et 10 000 pieds noirs. Pour l'entourage de Fernand Yveton, l'histoire continue ainsi. Hélène quitte l'Algérie, où elle est interdite de travail, sans ressources. Elle y revient bien plus tard, en 1984, avec l'historien Jean-Luc Enaudi, justement. Le conservateur du cimetière où repose la dépouille d'Yveton confesse qu'il ignore tout de ce personnage. Hélène est morte en mai 98 à Arcueil, en région parisienne. Pascal Yveton, le père de Fernand, quitte lui aussi l'Algérie. Après l'indépendance, il y revient, fait des démarches pour qu'on donne le nom de son fils à une rue d'Alger, supplie les autorités. En vain. Almer Smadja, le jeune avocat communiste, est arrêté, lui, le 13 février 56, deux jours après l'exécution d'Yveton, et interné au camp de Lodi, comme la plupart des avocats résidant en Algérie et ayant défendu les combattants du FLN. Il reste jusqu'à la fin 58. Yveton est mort, mais son fantôme hante des intellectuels qui se sont réveillés un peu tard. Jean-Paul Sartre publie ainsi en mars 1958 dans Les Temps modernes un texte intitulé « Nous sommes tous des assassins », dont voici un extrait. Cet homme a déclaré et prouvé qu'il ne voulait la mort de personne. Mais nous avons voulu la sienne et nous l'avons obtenue sans défaillance. Il fallait intimider, n'est-ce pas? Et comme l'a dit l'autre jour un imbécile, montrer le visage terrible de la France irritée. Comme il faut être pur, et sûr de sa pureté pour oser rendre cette justice d'archange. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Fernand Yvetot, le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie. Nous en parlons avec notre invité Alain Russiaux. Bonjour. Oui, bonjour. Historien, spécialiste de la colonisation française, en particulier en Indochine et en Algérie. Avant de commencer notre conversation, je vous propose d'entendre le témoignage d'Albert Smadja, donc qui fut l'avocat de Fernand Yvetot et dont nous avons parlé dans le récit. C'est un témoignage recueilli chez lui le 12 mai dernier par Odile Conseil. Albert Smadja a aujourd'hui 94 ans. Voici donc ses propos, lus par Franck Cognard. Les policiers n'avaient cessé de lui dire que le seul sort pour lui, c'était la guillotine. Je l'ai rassuré en lui disant qu'on ne guillotinait pas les gens qui n'ont tué personne et qu'il ne fallait pas accorder d'importance à ce que lui disaient les policiers. Oh, il ne m'a pas dit beaucoup plus de choses que ce qu'il y avait dans le dossier. Il m'a indiqué ce qui s'était passé pendant la détention, la torture, le supplice de l'eau, l'électricité. Ce qui ne m'a pas surpris, puisque c'était les méthodes habituelles. Au tribunal militaire, à l'époque, il y avait une toute petite place pour le public. Les gens étaient les uns sur les autres, et très hostiles. Ils étaient venus pour applaudir la condamnation à mort. Début février 57, nous nous sommes rendus à Paris plaider la grâce. L'attitude du président Coty ne nous a pas laissé un grand espoir. Quand je suis rentré, je suis allé voir Yveton. Je crois qu'il pensait avoir une vraie chance d'être gracié. Parce qu'enfin, guillotiner quelqu'un qui n'a tué personne, qui n'a voulu tuer personne, c'est exceptionnel. Je sais même pas s'il y a eu un autre cas. C'était la première et la dernière fois que j'assistais à une exécution. Depuis, j'y pense tous les jours. Alors, monsieur, vous avez consacré plusieurs livres à l'histoire coloniale française et aux guerres de décolonisation. Vous avez été journaliste également. Vous avez été notamment correspondant de l'Humanité au Vietnam et au Cambodge. Je précise que vous avez été membre du Parti communiste français pendant 27 ans, jusqu'en 1992. Oui, oui. Et que l'un de vos récents ouvrages s'intitule « Les communistes et l'Algérie » publié en 2019 à la découverte. Alors, déjà, que vous inspire le témoignage d'Albert Simadia? Bah écoutez, déjà évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup de colère également, puisque effectivement cette injustice absolue dont a été victime Fernand Yveton montre que cet État-là était prêt à tout. L'État de la 4e République était prêt à tout, et par parenthèse d'ailleurs, celui de la 5e République a également commis le même genre d'exaction et de crime. Parce que c'est un crime. Parce que c'est un crime, c'est un assassinat pur et simple. Dans ce que vous avez dit, si je peux me permettre, j'ai une petite réticence sur la sévérité, me semble-t-il, dont vous avez fait preuve à l'égard du Parti communiste algérien en particulier. Parlons-en justement. Parlons-en. Parce qu'il y a quand même... On parle de tergiversation sur le bien fondé de la lutte armée. Le PCA était-il vraiment pour la lutte armée? Répondez-moi pour le Alors, d'une part, déjà en novembre 1954, le PCA n'a pas utilisé le concept de provocation. Il n'a pas immédiatement compris la portée, évidemment, historique du 1er novembre 1950. Mais il n'a pas condamné l'acte du FLN. Première affirmation, alors qu'on pourrait faire effectivement un parallèle à l'avantage du PCA lorsqu'on parle de l'attitude du PCF au même moment. Mm-hmm. Deuxièmement, le PCA a été en permanence à la recherche du contact avec le FLN. Ce contact ne s'est produit qu'au printemps 1956. Et c'est le FLN, d'ailleurs, qui a interdit au Parti communiste algérien en tant que tel de participer à la lutte. Par contre, les communistes, en tant qu'individus, étaient intégrés à la lutte. N'oublions pas tout de même que l'initiative, par exemple, d'Henri Maillot était une initiative qui était prise par la direction du Parti communiste algérien. Sadek Adjeres a été la cheville ouvrière de cette opération, qui était une opération véritablement en quelque sorte de pression sur le FLN pour dire intégrez-nous enfin à la lutte armée. Et donc effectivement les armes volées par Maillot ont été des armes qui ont été ensuite distribuées et au maquis rouge, ce qu'on appelait le maquis rouge, le maquis des communistes, et à l'autre moitié au FLN. Donc cette intégration, cette participation active dans la lutte armée était une, je dirais, naturelle, évidente pour les communistes algériens, qui avaient les pieds dans la réalité, qui voyaient à tout moment, d'une part la répression, d'autre part la montée indépendantiste au sein de la population, qui était phénoménale. Bien, pour le PCA, le PCF maintenant. Quel regard vous portez sur l'attitude du Parti communiste français dans cette affaire? Et puis, globalement, plus largement? Alors plus largement, il nous faudrait peut-être trois ou quatre heures pour parler. Dans cette affaire, je crois que le Parti communiste. Alors première affirmation, il y a une très grande différence entre l'attitude des communistes et de l'Humanité en particulier entre l'affaire Maillot. Hein, je vous rappelle l'affaire Maillot qui s'est passée 6 mois plus tôt. Mm-hmm. Il y a eu un soutien très très net au prix d'ailleurs de censure de l'Humanité, au prix d'exclusion de certains députés communistes à la Chambre des députés à l'époque. Donc il y a eu un soutien à l'affaire Maillot. Et d'ailleurs à ce moment-là, le mot maillotin a été utilisé contre les communistes. Alors que l'affaire Yveton a été considéré effectivement comme un acte individuel. Ça correspondait, si vous voulez, à un refus de l'intégration dans une certaine culture communiste qui intègre le refus de l'acte individuel. Les communistes de l'époque sont nourris de Lénine. Mmh. Et Lénine est l'homme qui a théorisé la lutte politique par les masses, par le parti. Par le collectif, oui. Par le collectif. Et cet acte qui est considéré comme individuel par les communistes français, qui sont dans l'absolue impossibilité de connaître les détails, bien, n'oubliez pas que le Parti communiste algérien est en clandestin depuis 6 mois à ce moment-là, depuis un an à ce moment-là. Donc, dans l'impossibilité de connaître, la première réaction, c'est de dire « c'est une connerie ». Le mot est absolument évident, il a été prononcé par Léon Feix. L'autre aspect qu'il faut dire, c'est que le Parti communiste traverse à ce moment-là, je dirais, sa pire période d'exclusion de ghetto politique. Pour deux raisons. La première raison, qui est une mauvaise raison, qui est le soutien communiste à l'intervention soviétique en Hongrie. Bien sûr. Tout ça est très contemporain. On est exactement contemporain. C'est à quelques jours près. Ouais. Et la deuxième raison qui me paraît, elle, bonne et à l'avantage du PCF, c'est la dénonciation forcenée du débarquement à Suez. Donc tout ça, c'est contemporain. Alors, effectivement, ça crée un contexte, mais est-ce que le Parti communiste français ne soutient pas Yves Thon parce qu'il le prend pour un anarchiste? Et on sait à quel point... Voilà, l'acte individuel, tout à fait. Ah, c'est ça que vous voulez dire, acte individuel? Est-ce qu'il emploie le terme d'anarchie? Je n'en sais rien, mais c'est considéré comme quelque chose qui est en dehors de la lutte des masses, selon la phraséologie bien connue à l'époque. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que pour les autorités françaises, il y a le FLN, bien sûr, mais il y aurait la main des communistes. C'est donc une bataille contre les communistes, plus que contre le FLN encore. Mais bien sûr. C'est ce qui semble ressortir de tout ça. En fait, l'argument permanent des réactionnaires et des partisans de l'Algérie française, c'est de dire que la lutte nationale du peuple algérien n'a pas de fondement. Pourquoi ces gens se révoltent-ils? Après tout, l'Algérie française est une Algérie heureuse, une cohabitation harmonieuse entre les populations. Donc s'ils se révoltent, c'est qu'il y a des meneurs. C'est une vieille... On retrouve ça dans le discours patronal face à certains délégués syndicaux. Il y a des meneurs, donc les masses populaires ne seraient très heureuse de vivre comme ça. Donc, s'il y a des meneurs, c'est qu'ils sont forcément liés au Parti communiste français et évidemment à Moscou, à une époque où il y a une centralisation. Au-delà des fantasmes et des vérités, quelle est l'influence exacte de Moscou? Est-ce qu'il y a une vraie influence? Non. Moscou n'a pas brillé pendant la décolonisation par un internationalisme sans frontières, c'est le moins qu'on puisse dire. Moscou regarde avec une certaine distance, contrairement à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Indochine, quoique on pourrait parler des hésitations de Staline face à Ho Chi Minh, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pendant la guerre d'Algérie, Moscou considère que ces nationalistes sont quand même des gens qui sont un petit peu troubles, auxquels on ne peut pas faire véritablement confiance. En même temps, n'oublions pas une chose, c'est que le FLN a des relations très très denses avec les Américains, ce qui est une réalité, ce que personne ne peut leur reprocher d'ailleurs. Et d'un certain point de vue, avec l'Espagne franquiste, personne ne peut leur reprocher. Les nationalistes utilisent les armes dont ils peuvent disposer, surtout lorsqu'ils sont en difficulté militairement parlant. Bien, on se retrouve à la Russie dans 3 minutes. On écoute Giorgio, Être. Des hommes est loin d'être invincible. Et je me demande si on n'approche pas la perfection en acceptant qu'on l'est pas. En jean ou survêt noir d'Arsenal, salut des gens qui portent bien plus qu'un seul masque. Nos émotions sont réduites au néant. Hey. Tu pensais être quelqu'un, t'es qu'une larme en plein milieu de l'océan. Forcément, y'a des requins dans leur camp, je le ressens, je suis différent. Hier ça jouait contre moi, aujourd'hui c'est une force de pas rentrer dans les rangs. Je resterai toujours tolérant, des âmes sensibles au bord du suicide. Des invisibles qui ont du mal à trouver leur place. Paraît que le monde est petit et qu'aujourd'hui c'est comme un sas. Faire en plastique. Même la plus forte des femmes est loin d'être invincible. Et je me demande si on n'approche pas, hein, du savoir. En sachant qu'on sait rien, toi et moi, c'était bien, mais bien c'est pas suffisant. Il nous faut que des grands moments, des surprises à chaque jour, donc désolé pour ces larmes qui ont coulé sur nos joues. Demain tu m'en voudras plus, t'auras que des meilleurs joueurs, tout cela à se comparer. Donc on vit sous pression parfois, pour monter haut c'est vrai qu'on doit toucher le fond, tu peux pas gagner sans accepter que tout s'effondre. Mille jours pour construire, puis tout peut brûler en quelques secondes. Si c'était si simple que ça, on aurait tous des vies de fous, des sourires sur nos lèvres déjà abîmés par le froid. Hey, laisse-moi mes jambes et change le monde, je répondrai à mes questions avec de multiples. Laisse-moi devenir celui que je dois être. Laisse-moi devenir celui que je dois être. Laisse-moi devenir celui que je dois être. Laisse-moi devenir celui que je dois être. France Inter. Affaires sensibles. À la Russie, on le répète, il y a une tentative d'attentat, mais il n'y a pas mort d'homme, hein, il n'y a pas de victime. Pourquoi Coty refuse la grâce à Yves Thon ? Je contournerai votre question en la paraphrasant, en disant pourquoi le Haut Conseil de la magistrature française a-t-il refusé le... Parce que finalement, le président René Coty était un président quand même, en représentation, mais pas en action politique. C'est un régime parlementaire, là. Voilà, c'est un régime totalement parlementaire. Et c'est un régime dans lequel le gouvernement joue un rôle particulièrement important. Le Haut Conseil de la magistrature, qui est présidé par François Mitterrand, qui est, je vous le rappelle... Garde des Sceaux, donc. Il est garde des Sceaux à ce moment-là, il était ministre de l'Intérieur au moment du début de la guerre, et ensuite dans le gouvernement Guy Mollet, qui est à majorité socialiste, ne l'oublions pas, faisons le procès de l'ensemble de la gauche, si on doit le faire. Donc François Mitterrand a statué sur 45 dossiers. 8 sur 10 ont été acceptés, c'est-à-dire qu'il a accepté, il a proposé à la signature du président de la République la peine de mort. 8 sur 10, donc une quarantaine sur les 200, les historiens se sont accordés à peu près sur le chiffre de 222 guillotinés pendant la guerre d'Algérie, dont 200 en Algérie. Donc sur cette masse, effectivement, il y a une responsabilité directe. Je crois que l'idée qui était peut-être intériorisée, allez savoir, peut-être sincère, des décideurs de l'époque, Robert Lacoste, Guy Mollet, François Mitterrand, tous ces gens-là pensaient qu'effectivement la terreur pourrait arrêter le bras de la résistance algérienne. Donc c'est finalement le principe de raisonnement de pratiquement tous les régimes qui face à quelque chose qui les dépasse, et je ne parle pas de l'actualité en ce moment, quelque chose qui les dépasse, qui pense que la répression, que la provocation peut se substituer à la négociation. Or, ça a été l'effet exactement contraire. À chaque fois qu'il y avait un guillotiné dans la prison Barberousse ou à Montluc ou en France, à chaque fois qu'il y avait un guillotiné, les Algériens considéraient que c'était un martyr, et c'était effectivement un martyr, et qu'il y avait nécessité d'élever encore la lutte et de venger leurs frères. Donc, à chaque fois, évidemment, il y avait cette escalade qui a été quand même provoquée par la République française. Les valeurs de la République dont on nous abreuve trop souvent encore aujourd'hui. Vous êtes sûr que c'est dû à François Mitterrand lui-même, que c'est pas dû à un système, qu'un autre garde des Sceaux dans ce système-là aurait fait la même chose? Ah oui, je pense qu'un autre garde des Sceaux aurait fait la même chose. Il n'en reste pas moins que la responsabilité de cet homme qui ensuite a été quand même pour notre génération un des représentants où le grand représentant de la gauche a eu quand même ce passé qu'il ne faut pas oublier. Oui, il est à l'origine du refus de la grâce, mais c'est lui qui abrogera la peine de mort après. Mais c'est une autre histoire, n'est pas lié, évidemment. Histoire. Mais bien sûr, c'est les contradictions de l'histoire. C'est une autre histoire. C'est les évolutions, même. Il y a à l'époque, ce sera ma dernière question, un autre enjeu international que notre récit n'a pas pu prendre le temps d'évoquer, c'est l'Assemblée générale de l'ONU, début 57, hein, qui, à la demande du FLN, doit examiner la question algérienne. Deux mots Désolé, il reste 40 secondes, si vous pouvez résumer. Tout simplement, le FLN a eu une stratégie diplomatique. Il avait sa stratégie militaire, sa stratégie politique, et la stratégie diplomatique, c'était effectivement de faire en sorte que l'Organisation des Nations Unies se prononce contre la domination française, se prononce contre la répression française. Et donc, et n'oubliez pas une chose, c'est que l'exécution de Fernand Yvetot se produit au moment même de la grève générale du FLN, et donc la grève générale justement pour attirer l'attention de l'ONU. Nous sommes obligés de... Merci, mais c'est une bonne conclusion. Ce sera le mot de la fin, effectivement. Merci Alain Russio. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Fernand Yvetot. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé.